Je suis lycéenne et je voudrais lire des livres sur la Méditerranée. Où est la MMSH? Bonjour, je suis étudiante en langue arabe, je cherche la MMSH. Bonjour, je commence mon stage aujourd'hui, vous pourrez me dire où c'est. On m'a parlé de la maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Je suis historien. Vous savez où elle se trouve? Je viens... où se trouve la MMSH? Je viens du Brésil, j'ai entendu parler de la MMSH au Brésil, je ne trouve pas, c'est où? Bonjour monsieur, vous êtes du quartier? Je ne sais pas ce que ça veut dire du quartier. Est-ce que vous connaissez la MMSH? Non. Vous savez pas où c'est? Non, je suis désolé. On utilisera des mots et non pas des hiéroglyphes. Est-ce que vous savez où est la MMSH? Je ne connais pas MSH. Je ne sais pas ce que non. c'est. Aucune idée. Je sais que il y a le château de l'Horloge, là, qui est un centre social. D'accord. Et juste en face, il y a, je ne sais plus comment c'est. C'est 5 rues du château de l'Horloge. Ah oui, mais vous savez ce que vous faites? Vous voyez le chemin d'accord. près de l'école, là? Vous le longez au bout du chemin, tout au bout, sur votre... Ah non, vous allez au château de l'Horloge, non. Vous prenez le chemin, d'accord? Donc, ce n'est pas le centre social. Donc c'est que j'ai raison. Donc, vous allez tout au bout du chemin, jusqu'au grand rond-point qui est devant. Et le bâtiment est sur votre droite. Renseignez-vous par là. C'est merci. Pas long, derrière. D'accord. Vous savez où c'est la MMSH? La MMSH. Non, ça ne me dit rien. Non. Non, sérieux? Ça me dit un truc, moi. C'est pas où il y a le truc des HLM, non? Ah, c'est désolé. La rue, peut-être? 5 rues du château de l'Horloge. Ah ben oui, ça doit être par là, alors. Ah non, madame. Ah, je suis dans le canyon, moi. Est-ce que vous savez où est la MMSH? Quoi? La MMSH. Non. Vous êtes du quartier? Il habite là. Ça, et c'est juste derrière. Derrière, ça, le Yuan, le casino, qui est la grande machine. Et... Là, il y a la posta à côté. Ouais. Merci beaucoup, au revoir. Est-ce que vous savez où est la MMSH? Mais est-ce que où? La MMSH. Pas du tout. Est-ce que vous savez où est la MMSH? Ah oui, je sais ça, elle est juste là à côté. Merci. Pour se rendre à la MMSH, rien de plus simple. Située aux 5 rues du Château de l'Horloge à Aix-en-Provence, dans le quartier du Jas de Bouffan, proche de la rotonde du Bois de l'Aune, vous pouvez y venir en bus depuis la gare routière, la gare SNCF ou la rotonde d'Aix-en-Provence en empruntant les lignes de bus A et 8. Avec la ligne A, descendez à l'arrêt Thermidor et empruntez le chemin longeant la poste par la gauche, la résidence Pollux, et vous arrivez dans la rue de l'Horloge. Avec la ligne 8, descendez à l'arrêt Horloge et empruntez la rue Joseph Djouloufet qui longe la MMSH et débouche dans la rue du Château de l'Horloge. Depuis Marseille, la ligne de bus 49 emprunte également cet arrêt Horloge. Vous êtes les bienvenus à la MMSH. Avec les voix de Adèle, Anaïs, Annick, Émilie, Éric, Gradiella, Jeanne, Comi, Lani, Véronique et les voix du quartier. Mix de Florian. Au fait, la MMSH, c'est la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme.